Ani ni mutu suki elengi eleki ifuka kilungi beba Rajabu Rogi Kishamwe Imana yuna bali nilo yazi Nga bantu na goma Herve de Lila Imana yuna bali nilo Tanga molibi ya suki elengi Nazo luka mwe na se defendre Nazo koka terra javia kosu vinae Nazo vanga babere ngai muhibi Nakati amota kini mbati angasho Chagra izar mafulu ba meka kate Mazoto ya moto ye Moisa tumbi chafe Ayume nangi kama mwetan Maher de pointe ayo nangai kuma mabsansi Yo choisir vraiment aussi distoudre La kati a monté ma yo tikite le moui So qui est la qui n'a mouton à sa la qui a au canaï Le linga kyo ke le fou nangé ta maman ou dit le mi Que la raza kolo mouye Mouye mouye mouye Joseph Bessier Yes. Kanye Rajab. Yo me tani sana batona no, bele kumi seba gram. Or tante rani de panakamoyi. Magistrat de Rue, action se mouille. Action se mouille. Action se mouille. Action se mouille. Sandra Casadi.